Guerre de CKRL. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Oui, bon, excusez, je vais prendre ma feuille. C'est pas parce que je suis arrivé en courant, mais ça ressemble un peu à ça. Ce soir, on a plein de nouveautés, plein de bonnes choses à vous faire entendre. Et puis, écoutez, on a notamment une pièce du prochain Glasshammer qui devrait paraître en février, mais on n'a pas encore de date exacte de parution. Donc, on est encore une fois, les premiers à vous diffuser une pièce d'une nouveauté qui n'est pas sortie. Et ça, c'est de l'aveu même de Steve Babb qui m'a dit que tu vas être le premier à en diffuser. Et d'ailleurs, je pense que Steve est à l'écoute ce soir. Donc, bonsoir Steve. On y va donc, nous, sans plus tarder, écoutons Glasshammer, donc un premier extrait qui a pour titre « Mise en trog ». Et le disque va s'intituler Odd to Echo. Est-ce que je vais vous rappeler que Glasshammer va être à Québec le 17 mai pour un de ses rares concerts de 2014? En fait, je pense qu'il en présente deux seulement, celui de Québec et celui de la croisière des Moody Blues. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir le 17 mai au Centre d'art de la Chapelle. On va vous en reparler plus tard, mais pour l'instant, on écoute ce premier extrait d'un disque qui est à veille d'arriver. Yes, you can bless your man, drag me out, share me the way. Oh, awaken me, to let it be. If you say content, we'll rescue man, police or priest. We'll be right back.

combined with all the light of the sun. Darkness, for he is blind. He wants no light. He'll never see. The darkness is his legacy. We'll leave him to himself. The cold can't keep him company. And so all of his years, all by himself. This is Steve Babb of Glass Hammer. See you in Quebec City, May 17th. Singing, singing.

Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Les productions Explosive Groove vous invitent au lancement du sixième album du groupe The Soul Jazz Orchestra, Inner Fire. Les sonorités jazz, afro et tropicales de ce nouvel album se marient parfaitement avec les sélections chaudes des DJ 100% Dynamite et Funk Connection. Rendez-vous le vendredi 21 février à partir de 21h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, pour une soirée de musique jazz, afro, funk et tropicale. $15 à la porte. Ouais. Avec ce que vous me dites là, pas mal sûr que c'est un trouble anxieux. C'est mineur. On en a pour une heure maximum. Voulez-vous régler ça maintenant? Si c'était aussi simple, on n'aurait pas besoin de vous. Ici Christine Michaud. Saviez-vous qu'un Canadien sur cinq sera atteint d'une maladie mentale durant sa vie? Aidez la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Donnez pour la recherche et des soins humains. Donnez sur changerlesperceptions.com. CKRL HD. Une radio haute décibels. De retour. Terra Incognita, Michel et Bruno ce soir jusqu'à minuit. On jette un petit coup d'œil en arrière. Il y avait, pour conclure la première demi-heure, il y avait The Watch, une pièce du disque Tracks from the Alps. Le disque devrait être lancé le 17 février, c'est ce qu'on m'a donné comme date. Donc, peut-être à peu près 2 semaines encore d'attente là, pour le nouveau The Watch. Et c'était la pièce Cheating Mountain. Tout juste avant, on avait Glasshammer. Et c'était un extrait, écoutez, là, je veux pas, là, je m'ajoute de la misère à me relire, ça n'a pas de bon sens. C'est Glasshammer, il n'y a pas de doute. Ce Bruno rigole. Mais c'est sûr que on a débuté avec quelque chose qui n'est pas sur disque encore. Et c'est une pièce de Odd to Echo. Tu devrais, on m'a dit peut-être février, sûrement mars. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont être... Ça devrait être bouclé pour la convention là, au mois de mai, ça c'est assuré. Mais d'après moi, on peut parler de fin février, début mars là, pour le nouveau Glasshammer. Et c'est la seule pièce qu'on a pour le moment à vous faire entendre. Donc c'est la seule pièce que Steve Babb m'a envoyée. Je pense qu'il n'était pas encore tout à fait satisfait des autres ou ils sont pas rendus encore assez loin dans le mixage. Mais celle-là, en fait... Celle-là, je pense qu'ils ne toucheront plus. Donc, mise en trog, Steve m'a dit que ça va être la deuxième sur le disque, Odd to Echo, qui devrait paraître bientôt. Et évidemment, Glasshammer sera à la convention Terra Incognita le 17 mai. Et puis, ben, j'en profite pour peut-être faire un rapide survol. Là, en fait, on a pas mal scellé la programmation. Donc, maintenant, tous les petits trous sont bouchés. Et donc, le vendredi 16 mai, à 20h, c'est un guitariste israélien qui va donner le coup d'envoi avec une petite session acoustique. Le monsieur, il s'appelle Gadi Kaplan. Et je pense qu'il m'a parlé, entre autres, d'une version acoustique de Welcome to the Machine. Mais c'est un musicien assez versatile qui va du jazz au prog. En fait, moi, j'ai hâte de voir. Donc, c'est lui qui donne le coup d'envoi le 16 mai. Ça va être suivi d'une formation de Québec. Vincent a parlé tantôt, il n'y a pas longtemps. Inner Odyssey. Et évidemment, pour conclure la soirée, ça va être Is, la formation new-yorkaise, qui en sera à sa troisième visite dans le cadre de Terra Incognita. Et ceux qui ont déjà vu le groupe à l'œuvre savent que ça promet. Is va en profiter pour lancer un disque. En fait, ils travaillent beaucoup pour arriver à le lancer le 16 mai. Je pense qu'ils devraient réussir. Ça va être donc le premier concert lancement pour eux, donc Is. Le samedi, à 16h30, c'est Néodyme, de la région de Montréal, qui va donner le coup d'envoi, suivi en soirée de Shadow Circus et, évidemment, de Glasshammer, comme je venais de parler. Et le 18, Sonus Ambra de Chicago, on peut dire un groupe mexico-américain. Sonus Ambra, ça c'est à 16h30. 19h30, ça a été annoncé la semaine dernière. Unreal City, je pense que c'est une belle surprise avec des petits B par an. Et puis, on termine le tout avec le maître du prog italien, Fabio Suventi, qui nous présente 20 ans de carrière, un survol avec des pièces de son nouveau disque qui devrait voir le jour incessamment, et évidemment des pièces de Mascara di Chera et Finistère. Je pense que ça va être en fait une soirée italienne à tout prendre. Donc, trois belles journées. C'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de prog, 16, 17, 18 mai, au Centre d'art La Chapelle. Et puis, évidemment, tant qu'à y être, ben, on vous parlait de Watch tantôt, mais eux vont nous visiter en avril, 3, 4 et 5 avril, toujours au Centre d'art La Chapelle. Les deux premiers soirs, c'est le concert hommage Seconds Out. Ceux qui l'ont vu, The Watch interpréter Genesis savent que ça promet. Et le 18, mais le groupe vient lancer son nouveau disque dont on entend un extrait, le Track from the Alps. Ça, c'est le 5 avril, excusez. C'est, on a fait pas mal de survol, je pense que, oui, Bruno me regarde et dit, ah ouais, vas-y, là. Donc, on y va. On va continuer en musique, nous autres, ici, là, avec une formation norvégienne. Ben, peut-être juste le temps de vous dire un peu ce qu'on va écouter ce soir. Il y a le nouveau Peter Hamill, qui est un disque en duo avec Gary Lucas, un musicien qui a travaillé avec Captain Beefheart, notamment Jeff Buckley. Other Words, ça s'appelle. Et il y a une formation suédoise, Pale Feather. Une formation allemande, Super Drama. Et c'est pas vilain, pas tout ça. Ça, c'est une belle découverte. On va peut-être réécouter aussi du Frequency Drift. Et enfin, on a de la bonne musique ici, là, jusqu'à minuit, sans aucun problème. Et on commence avec une formation norvégienne. Là, je sais pas comment le prononcer exactement. Dakar. Je pense que c'est ça, Dakar. Dakar. D-A-C-C-O-R-D. C'est leur troisième essai et le disque s'intitule simplement 3. Three. C'est ce que vous allez écouter. On écoute un premier extrait, donc Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est jusqu'à minuit, Michel et Bruno. We'll be right back. Yeah. fishing a little pond. Keen on making a splash while remaining untraceable. I think that he always pays in cash. Every checkpoint he's passed through, every record he's smashed, has a value in currency. If in doubt, he always takes the cash. Simple as that. Him out in a rash to maintain his transparency. If in doubt, he always takes the cash. He's a big fish in a little pond, and he's quite unabashed in maintaining liquidity. If in doubt, he always takes the cash. Simple as that. We were gods.

Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'aisse. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Bon, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Ce qui a terminé le bloc, c'était une formation allemande, je pense que c'est leur premier disque, mais j'ai jamais entendu parler, Super Drama. Et un album concept avec, une présentation assez soignée, un livret d'une vingtaine de pages, grosse couverture cartonnée, c'est vraiment bien, là, The Promises. Bon, je pense qu'on va, sûrement réécouter. Là. Je l'ai découvert comme, j'ai commencé à l'écouter comme hier, donc je suis pas encore tout à fait là, à l'aise pour vous en parler plus que ça, sauf que bon, j'ai remarqué que le chanteur avait peut-être quelques atomes crochés avec Peter Hamill. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que c'était Peter Hamill tout juste avant. Une collaboration avec le guitariste Gary Lucas, qu'on a pu entendre aux côtés de Captain Beefheart et de Jeff Buckley. Le disque, c'est Other World. C'est assez spécial, je vous dirais. Là. Beaucoup d'expérimentation à la guitare. Je sais pas si c'est pour tous les fans de Peter Hamill, mais la pièce qu'on a entendue était vraiment dans le moule Hamill, mais il y en a d'autres vraiment plus là, expérimentales. Donc, Peter Hamill, Gary Lucas, Other World, et on avait débuté avec Dakar, le troisième tree, autrement dit, et une formation norvégienne qui, bon, vous l'avez remarqué, puise abondamment dans les années 70, bon, on s'en plaint pas. C'est quand même une bonne époque pour le prog. Et on va aller faire un petit tour du côté de l'Italie maintenant, avec un groupe qui, mon Dieu, je pense que ça doit faire, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ça doit faire une douzaine d'années. Un groupe qui a pour nom Distillerie di Malto. C'est leur deuxième disque. Le premier avait été pressé, je pense, à 500 copies, et puis je l'ai jamais vu, je l'ai jamais tenu dans mes mains. Je sais que ça existe, mais c'est une parution très confidentielle. Et celui-ci nous arrive là, maintenant sur Musea, donc un peu plus distribué. On va en écouter un premier extrait. Donc, Distillerie di Malto, le disque Suono. Et c'est notre dernière heure. C'est Michel et Bruno, jusqu'à minuit avec vous. C'est KRLMF.

Thank you.

Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Michel et Bruno, dernière demi-heure à Terra Incognita. On va jeter un petit coup d'œil avant, par contre, ce qui a joué. Il y avait RPWL, RPVL, Wanted. Le disque devrait être lancé, je pense, milieu mars, sauf erreur. Donc, un petit avant-goût, donc, de RPWL, le nouveau. Et on avait avant une formation suédoise qui me rappelle un peu, je ne sais pas si vous connaissez, le Future Kings of England. C'est un peu dans... Je trouve un peu dans le même mot de Pink Floyd, post-rock. C'est super bon. Le Pale Feather, le disque Pale Feather. Il y avait Ostalove, une formation allemande, du disque Good Morning Dystopia. Et on avait amorcé avec Distillerie di Malto Suono, nouveauté italienne. Et là, on va aller faire un petit tour, cette fois-ci, du côté de l'Allemagne encore, avec Frequency Drift, leur plus récent, Over. Un disque que j'avoue écouter de plus en plus, de ces genres de disques, tu te surprends à chaque fois à découvrir des nouvelles sonorités, des nouveaux détails. Vraiment très bon ce disque, donc Over, on écoute, on entend la dernière demi-heure avec ça, c'est Terra Incognita sur les ondes de CKRL 89.1. Rest at last when the day comes to strange rooms, covered by purple clover, and now the journey's past. When night comes and lights fade, you

heat of the night. He knelt on the rooftops, reaching for heaven, begging to make things right. But God never spoke, and the black sky did roar. The silence, a cosmic

PVL, Wanted. Avec une pochette qui me rappelle un peu, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, Vos Voisins. Ou les, c'est ça, c'était au début des années 70, un groupe québécois avec une pochette qui imitait celle, la page couverture de Allopolis. Petit souvenir. Mais les gars, ils ont pris à peu près le même principe là, pour Wanted. Un disque qui devrait, comme je le disais tantôt, qui devrait être disponible d'ici quelques semaines. Et un groupe qu'on a eu le bonheur de voir l'année dernière dans le cadre de la convention Terra Incognita. Deux concerts et les deux étaient magiques. Je souhaite revoir ce groupe ici à Québec là, bientôt. RPVL, donc Wanted. Tout juste avant, on avait Sonus Umbra, qui, eux, nous visiteront le 18 mai au Centre d'art de la Chapelle, dans le cadre de la Convention Terra Incognita. C'était Winter Solstice, leur plus récent et, ma foi, probablement leur meilleur. Je sais que les gars sont présentement, ils répètent beaucoup en prévision du concert du 18 mai. Donc, bon, j'ai bien hâte de les voir eux aussi. Et ça va être suivi de Unreal City et puis de Fabio cette journée-là, Fabio Zuventi. Et on avait avant Dakar, deuxième extrait, là ça sonnait vraiment Jethro Tull, ça il n'y a pas l'ombre d'un doute, du disque 3, une formation norvégienne qui pas très très active, mais enfin quand même trois disques en quelques années. Et on avait débuté le tout avec Frequency Drift Over. Moi, c'est déjà le temps de vous dire bonne nuit, mais couchez-vous pas. Il y a Stéphane qui arrive là, dans quelques instants pour l'autoroute. Donc, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Michel et Bruno, Terra Incognita. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Bon, on dirait bien une dépression majeure. On va vous arranger ça. Rentrer en porte 3, ça va être réglé cet après-midi. Si c'était aussi simple, on n'aurait pas besoin de vous. Ici PA Méthode. D'ici 2020, l'impact des maladies mentales et des troubles neurologiques augmentera de 40 %. Aidez la fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Donnez pour la recherche et des soins humains. Donnez sur changerlesperceptions.com. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. Du 18 janvier au 15 mars, le diffuseur d'événements cinéma et vidéo Antitube présente Panorama des cinémas du présent 3. Au menu, une sélection de films contemporains, d'ici et d'ailleurs, réinventant les formes cinématographiques d'avant-garde et